Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Bobby Sands, destin tragique d'un héros de l'indépendance irlandaise. Le destin des Irlandais libres passe par la mort tragique de ces héros. Voilà ce que déclarait l'un des porte-parole de l'IRA le jour des funérailles de Bobby Sands, le 7 mai 1981, à Belfast. Ce militant nationaliste mort pour ses idées, mort de faim en prison dans son combat pour le respect des droits et de l'égalité. Certes, il n'était pas un enfant de cœur, comme tous ceux de l'armée républicaine irlandaise dont on connaît les méthodes violentes, mais il n'était pas l'un de ses chefs, loin de là. Bobby Sands, ce n'était qu'un gamin de 27 ans qui n'avait jamais tué personne. Un gamin qui, par son action, a permis au monde d'ouvrir les yeux sur une cause, sur une guerre et sur un peuple, les catholiques d'Irlande du Nord. Mais comment en est-on arrivé là? Comment, dans ce qui est l'un des premiers pays développés au monde, tout de même, le Royaume-Uni, a-t-on laissé des gens mourir de faim en prison? Car cet épisode nous ramène aux heures les plus noires de l'histoire récente du Royaume-Uni, pour le coup désunie. Une période pendant laquelle le 10 Downing Street était occupé par une femme dont les convictions et les certitudes étaient si fortes qu'elle les a traduites dans les faits sans nuance et souvent avec brutalité, que ce soit sur le terrain social ou politique. Le contrôle de l'Irlande du Nord, sujet si sensible pour Londres, était alors le terrain d'affrontement entre Margaret Thatcher, vous l'avez reconnu, et un peuple qui ne voulait pas reconnaître le lien avec l'Angleterre. Pendant près de 30 ans, jour après jour, des soldats britanniques vont être assassinés, des membres de l'IRA seront incarcérés ou tués. Pris au piège d'une guerre civile qui ne dit pas son nom, les populations de l'Ulster, tant catholiques que protestantes, en paieront un lourd tribut, victime ou victime collatérale d'attentats à la bombe, notamment. Près de 3000 civils tués, 40 000 blessés, des familles brisées, une région dévastée. Ce climat de tension et de violence, l'ancien correspondant du journal Le Monde à Londres et en Irlande, Patrice Debert, l'a vécu sur place. Il sera avec nous en deuxième partie d'émission. Il est notre invité. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barrère, réalisation Pierre Jabot, Coyen Nguyen et Jérôme Chélius, voix de Bobby Sands, Yann Gallic, voix de la mère de Bobby Sands, Maeva Pasquali, à la technique aujourd'hui, Lucas Vaillant, Bruno Poncelet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En Irlande du Nord, une nouvelle manifestation organisée par les minorités catholiques a encore dégénéré la nuit dernière dans la petite ville de Newry. Échec en Irlande pour la mission du père John Madgett, le secrétaire privé, mais aussi envoyé spécial de Jean-Paul II. Aucun des arguments envoyés par le père Madgett n'ont réussi à convaincre Bobby Sands, ce militant de l'IRA, d'interrompre sa grève de la faim, qui en est aujourd'hui à son 61e jour. Reconnaître un caractère politique à l'activité, disons, des résistants irlandais, c'est reconnaître qu'il y a un problème en Irlande du Nord, qu'il y a un problème national, qu'il y a là quelque chose qui n'est pas fini. Or, la Grande-Bretagne ne peut pas le reconnaître. L'Irlande, au milieu des années 60, est un pays coupé en deux. Au sud, la République d'Irlande, l'AIR, indépendante et souveraine depuis 1921. Au nord, l'Ulster, ou Irlande du Nord, un bout de territoire un peu plus grand que la Corse, directement rattaché, lui, au Royaume-Uni. Londres conserve donc le pouvoir de décision sur cet espace géographique détaché de façon arbitraire et par souci économique du reste de l'île d'Irlande. Toutefois, l'Union admet une relative autonomie à la partie nord. Elle lui laisse un parlement et une libre gestion de ses frontières. Le tableau en serait presque idyllique, mais ce serait oublier les tensions religieuses qui traversent l'Irlande du Nord. Oui, il y a aussi cette dimension anachronique de guerre de religion au cœur de l'Europe occidentale. Catholiques, protestants, ne manquent que la Saint-Barthélemy. Les catholiques, minoritaires, indépendantistes, républicains et nationalistes. Les protestants, largement majoritaires, qui, eux, souhaitent rester attachés au Royaume-Uni. Ils sont loyalistes, unionistes. Ces deux communautés se détestent. À Belfast, certains quartiers sont protestants, mais il y a aussi des écoles catholiques, et puis chaque camp possède jusqu'à sa propre équipe de football. Alors les esprits s'échauffent vite, et à la moindre étincelle, tout peut devenir brasier. Car le vrai problème, comme l'explique le vice-président du mouvement pour l'égalité des droits civiques en Irlande, c'est qu'il y a bien une politique à deux vitesses en Irlande du Nord. Ici, nous avons une minorité qui gouverne, une minorité unioniste. Deux tiers de la ville sont catholiques, sont anti-unionistes. Alors, ils contrôlent le conseil municipal parce que le maire, qui est unioniste, il a le droit de donner une maison. Il emploie ce droit pour créer les ghettos, la ségrégation. Ils mettent toutes les catholiques dans une division électorale et les protestants dans les deux autres. Alors, les protestants, qui sont un tiers de la ville, ils ont 12 représentants et nous avons 8. Et c'est comme ça qu'ils le contrôlent. Et nous voulons briser cela. Nous voulons la situation où la majorité gouverne. C'est de cette inégalité que va naître un mouvement de contestation pour les droits civiques. Entamé à la fin des années 1960, il doit permettre la fin de la ségrégation à l'encontre des catholiques. Mais ce conflit bascule vite dans la violence, dans les rues, où des groupes paramilitaires prennent les armes des deux côtés. Chez les nationalistes catholiques, il y a l'IRA, un groupe quasi disparu au début de la décennie et dont les membres se reforment pour organiser la lutte dans les ghettos catholiques. Leur protestation est avant tout politique, avant d'être celle de la lutte armée, qui sera le terrain d'une autre IRA, l'IRA provisoire. En face, les loyalistes protestants qui veulent garder une présence britannique en Irlande, ceux-là tentent de chasser les catholiques vers le sud. Et puis au milieu, comme prise en tenaille, la RUC, la police royale de l'Ulster, qui tente bien que mal de maintenir l'ordre, car les tensions et les violences sont presque quotidiennes. Ralph Pinto, en Irlande du Nord, une nouvelle manifestation organisée par la minorité catholique a encore dégénéré la nuit dernière dans la petite ville de Newry. Près de 5000 personnes sont descendues dans la rue pour réclamer une amélioration du sort réservé aux catholiques. Mais très rapidement, cette marche silencieuse s'est transformée en bagarre très très violente contre les policiers. Ce matin, nous avons pu joindre l'un de nos confrères irlandais, une femme, Maeve Benchy, du journal Irish Times. Écoutez-la. Hier soir, à Newry, il y avait une manifestation parce que Newry est une ville de 80% catholiques. Et il y avait une démonstration là, mais les gendarmes ne voulaient pas permettre les étudiants et les autres prendre la route. Enfin, ils ont pris 3 camions et ils l'ont brûlé. Début 1969, les catholiques irlandais sont invités à descendre dans le sud. Face aux menaces, beaucoup de familles vont quitter Belfast pour rejoindre la République d'Irlande, l'autre, l'indépendante, capitale Dublin. Ceux qui restent se battent pour leurs droits. Il est vrai qu'ils ont quelques raisons. En 1969, par exemple, les catholiques n'ont pas le droit de voter, encore moins d'être élus. Ils ne se battent pas pour plus de droits, mais juste pour avoir les mêmes droits que les protestants. Personne quasiment ne parle à ce moment-là d'indépendance. Au mois de mai, des émeutes éclatent dans toute la province entre des jeunes issus des mouvements républicains, en grande majorité des catholiques, et les unionistes, en très grande partie des protestants. La tension monte et les actes de terrorisme paralysent la région. La situation devient ingérable pour les autorités de Belfast, qui en appellent donc à Londres pour envoyer son armée s'interposer et mettre fin au conflit. C'est chose faite au mois d'août où près de 300 militaires sont déployés dans Belfast et ses environs. Au menu du dispositif, checkpoint et contrôle de passage obligatoire, couvre-feu dans certains quartiers de la ville, construction de casernes, déploiement de blindés anti-émeutes, hélicoptères, gaz lacrymogène. Mais très vite, il apparaît que les soldats britanniques prennent fait et cause pour le camp des unionistes, donc des protestants. La lutte des républicains, les catholiques, devient très vite celle d'une milice sous-équipée face à une armée qui dispose de moyens illimités. En effet, à Londres, on prend la menace très au sérieux. Et il n'est pas question que le mouvement républicain l'emporte, car cela pourrait remettre en cause la souveraineté britannique en Irlande du Nord. Pas question de brader ce qui reste de l'Empire de Sa Majesté. En août 1971, le gouvernement met en application l'internement administratif qui permet d'emprisonner sans procès toute personne suspecte de terrorisme. C'est le Patriot Act de George Bush avant l'heure. Il s'appelle, celui-là, le Special Power Act. Ainsi, des centaines de partisans et de membres de l'IRA sont arrêtés et incarcérés. En mars 1972, le Parlement de Stormont à Belfast est dissous et l'Irlande du Nord passe sous la coupe du gouvernement de Londres. Surtout dans les comtés de l'Ulster, les catholiques sont obligés de fuir face aux menaces, face aux pressions. Le scénario est le même à chaque fois, sur les maisons abandonnées des catholiques et peintes en rose, en grosses lettres la mention « I run away »,« je m'enfuis », dont l'acronyme IRA n'est autre que celui de l'IRA. Robert Gerard Sands, dit Bobby Sands, voit le jour le 9 mars 1954 dans une famille catholique de Newton Abbey. L'enfance du jeune Bobby est celle de beaucoup de jeunes des quartiers populaires. Il arrête l'école très tôt pour un apprentissage de carrossier et il se rend compte de la poudrière sur laquelle vit son pays, le conflit confessionnel en Irlande du Nord et son sectarisme communautaire. Il raconte. Au début, j'étais comme tous les gamins de mon âge, insouciant. Puis plus les années ont passé, plus je me suis rendu compte de la gravité de notre situation. Parce que j'étais, ou plutôt parce que mes parents avaient fait de moi, quelqu'un de catholique. Je n'avais pas le droit de postuler pour certains travaux. Je ne pouvais pas jouer avec mes amis dans une équipe de football. Les parents de mes amis leur disaient de se méfier de moi, de ne jamais me ramener à la maison ni d'aller chez moi. À chaque fois qu'il y avait une bagarre, c'était toujours sur les gens comme nous qu'en retombait la faute. La police, c'était le pire dans tout ça. Car elle ne nous considérait pas comme des victimes. Avec elle, on était soit coupable, soit coupable. Face aux pressions et aux menaces dont elle est victime, la famille de Bobby Sands est contrainte de déménager une première fois dans un autre quartier de la ville. Puis une seconde fois encore dans un autre quartier, cette fois catholique, ou plutôt un ghetto où s'entassent les catholiques. Car en Irlande du Nord, en 1970, les quartiers huppés, c'est le repère incontesté des protestants. Les catholiques, eux, doivent s'exiler dans les quartiers plus populaires. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Bobby Sands passe de la colère à la violence. Car au fur et à mesure de ses rencontres, il se forge une idéologie nationaliste. S'il subit la haine et les brimades sur son lieu de travail, il intériorise et se jure de rendre un jour l'appareil à ceux qui hier l'ont pris pour cible. Ce jour arrivera vite. Janvier 1972, à Derry, en Irlande du Nord, lors d'une manifestation pour l'égalité des droits, des parachutistes de l'armée britannique chargés de surveiller le cortège sont pris à partie par certains manifestants. Alors ils ouvrent le feu sur la foule, le bilan est dramatique. 3 manifestants sont tués ainsi qu'un soldat britannique, alors que dans la foule, 12 personnes sont grièvement blessées. Une fusillade, encore une, aujourd'hui à Londonderry, en Irlande du Nord, au cours d'une manifestation organisée par les catholiques. Le bilan est très lourd, 4 morts, 12 blessés. L'affrontement a donc eu lieu entre catholiques et armée britannique qui essayaient de refouler les manifestants. Malgré l'interdiction, 3000 catholiques environ s'étaient rassemblés au centre de la ville pour protester contre l'internement sans procès de 600 personnes en Irlande du Nord. Ils ont essayé alors de marcher vers une des places principales de Londonderry, en face. Les soldats ont tenté de les arrêter, la fusillade a éclaté alors. Des tireurs installés au sommet d'immeubles ont ouvert le feu sur les soldats. Ces derniers ont riposté à coups de grenades lacrymogènes et de balles de caoutchouc. Au total donc, 4 morts dont un militaire et 12 blessés. Les fameux tireurs qui ont soi-disant provoqué l'armée britannique ne seront jamais retrouvés. Cet épisode, l'histoire le retient sous le nom de Bloody Sunday, le dimanche sanglant. Il va permettre à l'IRA de revenir au premier plan et de trouver l'écho de sa lutte auprès des jeunes et en particulier auprès d'un jeune du nom de Bobby Sands. Le jeune Bobby n'a alors que 18 ans. Mais il étonne déjà des responsables de l'organisation par ce mélange de convictions et son côté tête brûlée, prête à accomplir n'importe quelle tâche, même la plus subalterne, dès lors qu'il s'agit de défendre la cause des catholiques nationalistes irlandais. Un vrai profil de soldat de l'IRA. C'est d'ailleurs ce côté prêt-à-tout qui lui vaut d'aller en prison seulement quelques mois après avoir rejoint l'organisation indépendantiste. Chargé des basses besognes, il doit convoyer des armes depuis la frontière avec le sud jusqu'à Belfast et réapprovisionner les différentes cellules de l'IRA implantées dans la ville. Des missions dangereuses, bien sûr. Bobby Sands le constate de façon amère. Car surveillé par la police, il est arrêté. Les armes sont saisies. C'est l'occasion pour lui, comme pour des centaines d'autres, d'aller goûter 4 ans durant les geôles de la couronne britannique. In 1803, we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. for Australia bound, if we didn't all drown, the marks of our feathers we carried. In our rusty iron chains we cried for our wains, a good woman we left in sorrow. As the mainsails unfurled, a curse as we heard on the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the foil, bid farewell to the soil, as down below decks we were lying. O'Doherty screamed, woken out of a dream by a vision of bold Robert Dyer. The sun burned cruel as we dished out the gruel. Dan O'Connor was down with a fever. 60 rebels today, bound for Botany Bay. How many will reach their receiver? Them to hell as our bow fought the swell, our ship danced like a moth in the firelight. White horses rode high as the devil passed by, taking souls to Hades by twilight. 5 weeks out to sea, we were now 43, we buried our comrades each morning. In our own slime we were lost in the time, endless night without dawn. Back home in Derry. Tenter d'enrayer les violences à répétition, les affrontements avec la police et les actes terroristes, Londres décide la mise en place d'une série de mesures dont le Special Power Act. En vertu de cette loi d'exception mise en place en 1971, tout suspect peut être emprisonné avant même qu'un crime n'ait été commis. Et autant dire que les soldats britanniques appliquent à la lettre cette mesure. Résultat, des centaines d'arrestations parmi les milieux catholiques et membres de l'IRA, en très grande majorité des jeunes et, cas plus rare, des personnages influents de l'officine paramilitaire. Car derrière le but affiché par les autorités de Londres, il s'agit surtout de montrer aux plus jeunes que ces rebelles qui n'ont pas de limites iront en prison et que la sanction sera immédiate. Les arrestations arbitraires et groupées deviennent de plus en plus fréquentes, tant et si bien que les autorités britanniques décident d'aménager une prison afin de pouvoir y entasser, par fourgons entiers, tous ces jeunes rebelles en mal d'autorité qu'elle arrête quasi au quotidien. En août 1971, décision est prise d'utiliser un ancien camp d'entraînement de la Royal Air Force, Long Kesh. Située dans la banlieue sud-est de Belfast, elle est isolée du reste des infrastructures urbaines. Au début, les prisonniers sont parqués dans des demi-silos qui servent d'abri aux avions avant qu'on ne construise le fameux maze, labyrinthe, et ces blocs en H réservés aux détenus catholiques de l'IRA. Et bien sûr, quoi de mieux que des matons en très grande majorité protestants pour maintenir la discipline et l'ordre. Il s'agit bel et bien ici de briser psychologiquement et physiquement tous ceux qui y entrent. Car Long Kesh n'a pas pour seul but d'enfermer, il veut prévenir toute récidive. Alors à tous ceux qui franchissent la ligne, l'enfer est promis. Bobby Sands y passe donc 4 ans, une lourde sanction pour ce jeune homme marié, père d'un petit garçon. Ces 4 années ne font que renforcer ses convictions et sa haine profonde contre ceux qu'il appelle les Brits, les Britanniques. En sortant, Bobby Sands se replonge dans l'action politique, prenant du grade au fil des jours au sein de l'IRA. Oh, ce n'est toujours qu'un petit chef de district, mais les convictions dont il fait preuve et sa volonté rassemblent les jeunes. Et il est de nouveau arrêté par la police après une fusillade. Retour en prison, cette fois pour 14 ans de réclusion. Le moment le plus intenable est dans le fourgon qui nous emmène vers la prison. On ne voit rien, on entend à peine, mais surtout, on n'arrive pas à deviner. On ne peut imaginer la violence froide et constante qui va nous faire face dans quelques instants. À peine les gardiens ont-ils ouvert les portes du camion, défait la chaîne qui vous retient aux grilles, que des mains surgissent de partout pour vous agripper. Vous n'êtes désormais plus maître de vos mouvements. Vous n'êtes plus qu'une marionnette, pire même, un animal qu'on sort de sa cage pour l'exhiber. On vous pousse, on vous bouscule, on vous emmène dans un endroit puis un autre. Personne ne vous parle ni ne vous regarde dans les yeux. C'est à cet instant que vous comprenez que pour ces gens-là, vous n'êtes plus rien. Quelques instants plus tard, sans trop comprendre comment, vous vous retrouvez nu, on vous parle enfin. Ici, il n'y a plus de statut de prisonnier politique qui tienne. Vous serez traité comme tout le monde désormais. Effectivement, il s'agit pour Londres de gommer, de ne pas reconnaître la dimension politique du mouvement de protestation des catholiques. Il faut les faire passer pour des criminels de droit commun. Donc, pas de statut de prisonnier politique pour ces gens-là. Bobby Sands est placé dans les nouveaux blocs H, réservés aux détenus de l'IRA. À Lancash, tous les détenus sont donc des criminels de droit commun, ce qui les prive du droit de libération conditionnelle et de certains autres avantages, comme par exemple le droit de pouvoir se réunir librement. Pierre Josse, porte-parole du comité de soutien à Bobby Sands en France, explique les revendications des catholiques irlandais en prison. Ils ne réclament pas le statut politique. Ils demandent uniquement des conditions d'existence qui reconnaissent le caractère politique de leur action. Ils refusent en quelque sorte d'être considérés comme des criminels. Et ces cinq conditions ? Bon, alors je les rappelle, ces cinq conditions, c'est le refus de l'uniforme pénitentiaire, de droit commun, c'est-à-dire le droit de porter leur propre vêtement, c'est le droit de se réunir avec les autres détenus, c'est le droit d'avoir des cours de formation, d'artisanat, etc. C'est le refus du travail pénitentiaire, c'est le droit de recevoir un colis, une lettre par semaine, et la suppression des que les remises de peine reviennent. Car comme ils refusent l'uniforme de droit commun, ils n'ont plus droit aux remises de peine. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, 60 prisonniers pourraient être libres s'ils acceptaient les conditions de l'administration. Cela dit, Bobby Sands est quelqu'un, même s'il a été élu par le peuple d'Ulster, est quelqu'un qui a participé à des actions terroristes. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il ne faut pas se pencher sur ce problème. Le problème, c'est, pour la Grande-Bretagne, pourquoi elle refuse le statut politique, pourquoi elle refuse les conditions, ces conditions d'existence, car reconnaître un caractère politique à l'activité, disons, des résistants irlandais, c'est reconnaître qu'il y a un problème en Irlande du Nord, qu'il y a un problème national, qu'il y a là quelque chose qui n'est pas fini. Bien. Or, la Grande-Bretagne ne peut pas le reconnaître. Donc, elle persiste à dire que ce sont des criminels, car elle ne peut pas faire autrement. Les prisonniers vont alors manifester leur mécontentement de deux façons. La blanket protest, la grève des couvertures vêtements, entamée dès 1976 par certains prisonniers qui refusent de porter l'uniforme. Elle va se généraliser à une centaine de détenus de la cause nationaliste. Ils vont dès lors vivre nus, enroulés dans une simple couverture pendant l'été, pendant l'hiver. Il y a aussi la dirty protest, la grève de l'hygiène, entamée par la suite. Face au refus des geôliers de leur retirer leurs excréments, les prisonniers vont alors uriner et se soulager dans leurs cellules en étalant sur les murs le produit de leurs revendications et déversant les récipients d'urine dans le couloir. Pendant presque 4 ans et demi, les détenus de la sinistre prison de Lancash vont vivre dans des conditions abjectes. Mais le pire reste à venir, car à Londres, le pouvoir vient de changer de main au 10 Downing Street. En 1979, Margaret Thatcher est élue Premier ministre du Royaume-Uni. On ne l'appelle pas la Dame de Fer pour rien. Elle ne négocie pas, elle ne revient pas sur des décisions déjà prises. Elle refuse donc d'accorder aux prisonniers catholiques de l'IRA le statut de détenu politique. There is no such thing as political murder, political bombing or political violence. Le meurtre politique n'existe pas plus que l'attentat politique ou la violence politique. There is only criminal murder, criminal bombing and criminal violence. Il n'y a que le meurtre criminel, l'attentat criminel et la violence criminelle. We will not compromise on this. There will be no political status. Nous ne ferons aucun compromis là-dessus. Il n'y aura pas de statut de prisonnier politique en Irlande. À Lancash, la discipline devient impitoyable. Les gardiens tabassent de plus en plus régulièrement les détenus, les lavent au jet d'eau. Chaque fouille est menée avec zèle sur des prisonniers nus. Un geôlier confiera des années après qu'on lui a demandé de briser jusqu'au plus petit restant d'âme qui lui restait. En ce début d'hiver 1979, les prisonniers vivent toujours dans le froid, nus sous leurs couvertures, dans leurs cellules, où la seule odeur est celle de leurs excréments qui jonchent le sol, les murs et le plafond. Bobby Sands le sait, il n'a plus que son corps comme seule arme. Nous voilà à la mi-septembre 1980. Bobby Sands attend l'ouverture de son procès dans la prison de Crown Road lorsque démarre à Lancash, dans les blocs H, un mouvement de protestation d'un genre nouveau chez les jeunes catholiques. Une grève de la faim. En Irlande, la symbolique du mouvement est forte car dans la culture irlandaise, la grève de la faim n'a qu'une issue, la mort. Là, ce sont les moyens qui justifient la faim. Car malgré 4 ans et demi de détention dans des conditions particulièrement dures, les militants de l'IRA ont l'impression d'avoir usé de tous les moyens possibles. Alors, pour avoir une chance d'émerger sur la scène médiatique, pour sensibiliser, ils lancent ce mouvement courageux et suicidaire. Au début, ils sont 7 grévistes de la faim. Début décembre 1980, à Londres, on fait la sourde oreille sur ce qui se passe dans les prisons d'Irlande du Nord. Mais les journaux, eux, ne parlent que de ça. Et si un prisonnier succombait à sa grève de la faim? À l'approche des fêtes de fin d'année, cet événement donne une très mauvaise image du Royaume-Uni et de sa rigide dirigeante, Margaret Thatcher. Alors elle fait semblant de lâcher du lest. Si elle refuse toujours catégoriquement que les pensionnaires des blocs H soient reconnus comme des prisonniers politiques, elle consent à ce que leur soient remis des vêtements de ville et qu'ils puissent être exemptés du port de l'uniforme. Nous sommes au début du mois de décembre. Les 7 détenus républicains irlandais arrêtent leur grève de la faim et pensent avoir gagné. Victoire d'un jour, et pour cause. Les vêtements qu'ils reçoivent ne sont rien d'autre que des vêtements de clown, oui. T-shirt à pois, chaussures vertes, pantalons jaunes, des bretelles, des chemises à carreaux. Ignoble provocation, à la limite du sadisme, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur de logistique. Oui, mais quelques années après, plus tard, d'anciens fonctionnaires proches de Margaret Thatcher confesseront qu'elle voulait bel et bien humilier des Irlandais catholiques rebelles et indisciplinés et leur faire comprendre une chose, jamais, non, jamais elle ne céderait. À la prison de Lancash, Bobby Sands devient commandant de l'IRA et il lance une nouvelle grève de la faim, mais cette fois beaucoup plus structurée. Si vous devez vous rappeler quelque chose, rappelez-vous de cela. Aucun crime commis par un homme pour sa liberté ne peut être aussi grand que les crimes commis par ceux qui lui refusent la liberté. Bien entendu, nous ne verrons jamais le jour où nous pourrons les rencontrer dans une guerre ouverte, s'affrontant à armes égales. Ils traiteront toujours nos tactiques de lâches. Mais nous ne sommes rien sans nos propres armes. Rappelez-vous que les Britanniques n'ont rien dans tout leur puissant arsenal impérial qui puisse briser un seul homme qui refusera de se laisser briser. La langue irlandaise, l'autosacrifice irlandais et en fin de compte le martyr irlandais sont nos armes. Nous devons avoir cette capacité de supporter la douleur, à un point tel qu'ils perdront leur capacité à nous faire souffrir. Cela et seulement cela les brisera finalement, le martyr. Notre revanche sera celle de nos enfants, déclare Bobby Sands. Il n'a pas vu son fils grandir, il ne l'a même pas vu d'ailleurs. Pas un Noël ni un anniversaire en famille. Au fil des jours, sa femme Géraldine s'éloigne, seuls ses parents et sa sœur continuent de venir le voir. Bobby Sands va profiter des sessions religieuses pour organiser son mouvement de grève de la faim. Il prévient d'emblée tous ceux qui veulent le rejoindre que c'est la mort qui les attend. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'IRA, la mort de Bobby Sands, notre invité, Patrice Debert, correspondant du journal Le Monde en Irlande du Nord et à Londres à l'époque des faits. Nous le retrouverons dans quelques minutes. Le 1er mars 1981, Bobby Sands arrête de se nourrir. Comme il l'a planifié avec ses co-détenus, tous les 15 jours, un détenu entamera une grève de la faim pour que le mouvement ne soit pas interrompu. Après la mort d'un député d'un grand mouvement populaire pour soutenir sa cause, Bobby Sands est élu député républicain du Fermanagh et du Sea Tyrone au mois d'avril 1981. Toujours en pleine grève de la faim, il ne lâche pas. De son côté, Margaret Thatcher non plus. Paradoxe de l'histoire, il existe jusqu'alors en Angleterre un vide juridique qui permet à un détenu d'être candidat. Disposition sur laquelle le gouvernement britannique va vite revenir. Malgré les tentatives d'intervention de la Croix-Rouge, de la Cour européenne des droits de l'homme, du Vatican et du gouvernement irlandais, Bobby Sands ne cède pas. Il ira jusqu'au bout. À Londres, Margaret Thatcher campe sur ses positions. Elle ne veut pas céder, elle non plus. Partout dans le monde se forment des comités de soutien aux grévistes, aux mouvements relayés par la presse du monde entier. La mère de Bobby Sands témoigne, elle aussi, de la détermination de son fils. Non, je ne le ferai pas. C'est une chose difficile à dire. Car j'aime mon fils, comme toutes les mères. Mais je ne le ferai pas, car je lui ai promis de ne pas le faire. Dans les premiers jours de mai 1981, Bobby Sands va mal, très mal. Il est à bout. Après plus de 60 jours de grève de la faim, les douleurs lui rendent la vie de plus en plus insupportable. Christian Billman, envoyé spécial de France Inter sur place, raconte. Bobby Sands va mourir dans les 24 heures, il fait ses adieux à tous ses amis. Cette nouvelle déclaration de son porte-parole effondré, Owen Caron, a fait le tour hier soir de la petite colonie de journalistes qui s'est installée à Belfast. Plusieurs centaines d'envoyés spéciaux du monde entier ont pris d'assaut en effet les trois principaux hôtels de la capitale d'Irlande du Nord pour traquer, certains depuis 15 jours, cet homme qui n'en finit pas de se laisser mourir de faim. Une caricature peut-être, mais qui n'est que le reflet de l'inquiétude du monde devant ce qui peut se passer ici après la mort de Bobby Sands ou de Frankie Hughes, les deux grévistes de la faim aujourd'hui à deux doigts de la mort. Après 66 jours sans se nourrir, Bobby Sands, le gamin du quartier de Twinbrook, à Belfast, lâche prise et pousse son dernier souffle. Il n'avait que 27 ans, il n'avait jamais tué personne, il est mort pour ses idées. Le 5 mai 1981, les télévisions du monde entier relaient la nouvelle. Le monde est sous le choc et toujours cette question lancinante. Comment a-t-on pu laisser quelqu'un mourir de faim au Royaume-Uni ? La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Belfast. Bobby Sands est mort peu après minuit après une grève de la faim de 66 jours. Il ne pesait plus que 35 kilos. Dès l'annonce de son décès, des centaines de jeunes catholiques se sont rassemblés dans les rues. Ils ont lancé des cocktails Molotov et des pierres sur les véhicules de l'armée britannique. Les militaires ont répondu en tirant des balles en plastique. Des manifestants ont aussi incendié une grande fabrique de papier peint dans l'ouest de Belfast. Les pompiers, accueillis par une pluie de projectiles, n'ont pas pu intervenir pour maîtriser le sinistre. Cela dit, il semble qu'en ce moment, le calme revienne à Belfast. Sur place, l'envoyé spécial de France Inter, Christian Billman. La fièvre qui ce matin a saisi les ghettos catholiques de Belfast est retombée aussi vite qu'elle était montée. Quelques carcasses de voitures fumantes, des pierres jonchant au sol et des balles en plastique dans les caniveaux sont les seules traces maintenant visibles des deux heures d'affrontement et de colère qui ont saisi Falls Road et Short Strand au petit matin après l'annonce de la mort de Bobby Sands. Les appels au calme, lancés depuis deux jours par l'IRA et par la famille du député irlandais, ont donc repris le dessus et les rues des quartiers catholiques retrouvent peu à peu leur calme. Seules quelques bandes de gamins parcourent encore les quartiers chauds en battant le rappel sur des couvercles de poubelles. Une pelleteuse de l'armée ramasse les débris. Silencieusement, les gens achètent les premiers journaux qui étalent en lettres grasses à la une la mort de Bobby Sands. Aux entrées des ghettos, des barrières ferment toujours les rues. Policiers irlandais et soldats britanniques contrôlent les rares passants. Dans les quartiers protestants, où l'inquiétude montait ce matin avec la fièvre catholique, l'atmosphère s'est à nouveau détendue. Bobby Sands est le premier des grévistes à mourir. 9 autres vont le suivre. Et c'est selon un triste rituel que tous les 15 jours, la liste va s'allonger. Le plus jeune avait seulement 23 ans. C'est dans le calme et dans une très grande émotion que se déroulent les obsèques du député Bobby Sands le vendredi 7 mai 1981 à Belfast. Matinée froide et pluvieuse, en signe de soutien, les balcons des quartiers catholiques de la ville arborent fièrement les drapeaux noirs en hommage à ce combattant qu'était Bobby Sands. Il repose entouré d'un linceul taillé dans un drapeau de l'IRA. Des centaines de personnes s'entassent dans l'église de Twin Brook, la paroisse de la famille Sands, et 50 000 autres, venus de toutes les provinces de l'Irlande du Nord, attendent dehors le départ du cortège. À leurs bras, le brassard noir qui rend hommage à ceux qui sont morts pour la cause. One day we'll return here when the Belfast child sings again. When the Belfast child sings again. Affaires sensibles sur France Inter aujourd'hui, la mort de Bobby Sands. Notre invité, Patrice Debert, ancien correspondant du journal Le Monde à Londres et en Irlande à l'époque des faits. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les studios de France Bleu à Perpignan. Merci d'être avec nous. Première question, est-ce que c'est la mort de Bobby Sands dans les conditions que l'on sait qui a vraiment interpellé le monde sur ce problème qui existait sur cette petite île d'Irlande du Nord qui n'attirait pas vraiment l'attention avant? Est-ce qu'il y a eu le déclic avec la mort héroïque de Bobby Sands? La mort de Bobby Sands et de neuf autres prisonniers de l'IRA. Bon, on savait, on entendait parler des troubles, on avait entendu parler du Bloody Sunday, mais ça, franchement, comme vous l'avez dit, ça n'intéressait pas énormément l'opinion publique. Et cette grève de la faim qui s'est poursuivie pendant 66 jours, qu'on a suivi jour par jour, ça intéressait, ça passionnait, ça émouvait les journalistes, mais aussi l'opinion publique, parce que on n'est que le média entre l'événement et le public, et ça créait un mouvement très fort de sympathie à l'égard du mouvement nationaliste irlandais en Ulster. Mais il faut quand même reconnaître qu'il faudra attendre encore longtemps, encore 9 ans, pour que le gouvernement britannique commence à sonder les catholiques et l'IRA, entamer des négociations discrètes. Il faudra attendre le départ de Margaret Thatcher. Mais pourquoi? Alors, évidemment, c'est lié à Margaret Thatcher, dont on connaît le caractère et le tempérament. Mais quel était l'enjeu pour le pouvoir britannique face à ce problème? Quel était le danger? L'enjeu, il était, comme souvent, il était de politique intérieure. Margaret Thatcher était intransigeante, elle était connue, elle voulait être connue pour son intransigeance, pour le slogan qu'elle avait lancé, « La dame ne recule jamais ». Et que ça soit avec l'Irlande du Nord, que ça soit avec les grèves des mineurs, que ça soit avec la guerre des Malouines, que ça soit avec les réformes sociales qu'elle a faites, et qui étaient très dures et qui ont soulevé de vives manifestations, jamais elle n'a cédé. Jusqu'à ce qu'elle soit renversée par une espèce de putsch à l'intérieur du parti conservateur, par un personnage fallot, auquel on donnait un charisme d'employé de banque, John Major, qui lui a engagé les négociations, des négociations qui vont commencer en 91 et qui devront s'achever qu'en 98. Alors vous disiez effectivement, souvent, c'est pour des motif de politique intérieure, et c'est vrai d'ailleurs qu'autour de l'IRA, Margaret Thatcher avait réussi à élargir sa majorité. La preuve, on va écouter ensemble cette déclaration de Geoffrey Robinson, député travailliste, qui défend la position de Margaret Thatcher. C'est une impasse qui dure déjà des années et des années. Et la situation, c'est une situation historique, problématique à un point où on est presque en désespéré, n'est-ce pas? Mais il faut voir quand même que ces criminels qui représentent l'IRA provisoire, ils ne sont pas des combattants de guerre. Ils tuent les individus civils avec une discrimination et intention qu'on ne peut pas reconnaître. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que l'on peut encore essayer de trouver une solution? Est-ce que votre parti va proposer quelque chose, notamment, de concret? Il faut toujours essayer. Il faut de nouveau reprendre l'initiative politique entre M. Hawke et Mme Thatcher, qui est la seule solution possible qui puisse mettre fin à ce problème historique et tragique. Voilà, donc il y a quand même une espèce de ciment autour de Margaret Thatcher, mais c'est à cause des méthodes criminelles de l'IRA, parce qu'il faut le rappeler également, c'était pas des enfants de cœur, hein, notamment lorsqu'ils blessaient grièvement leur prisonnier avec une balle dans le genou, je crois, avec des méthodes dures, vraiment très dures. La guerre civile en Irlande a eu son lot d'horreurs des deux côtés, et l'IRA a aussi perpétrer un certain nombre d'attentats en Angleterre même. Mais là, quand vous entendez ce député travailliste, vous voyez que la politique d'intransigeance, la politique ultranationaliste britannique a eu du succès, puisqu'elle a même converti un certain nombre d'élus de l'opposition. Et c'est comme ça qu'elle a gardé le pouvoir. En 82, elle a lancé la guerre des Malouines, un an avant des élections qu'elle avait toutes les chances de perdre, et elle a ressoudé toute la nation derrière elle face aux Argentins. D'ailleurs, c'est presque une parenthèse, on est dans le sujet, on s'en écarte un peu, on est quand même encore dans le sujet. Quel souvenir a laissé Margaret Thatcher dans l'esprit des Anglais aujourd'hui? Parce que peut-être la critique est telle au moment de ces réformes sociales brutales, mais peut-être avec le recul, les Anglais se disent-ils, on avait quelqu'un de fort à la tête, un peu comme les Américains avec Ronald Reagan. Elle était admirée, elle était respectée, etc. Mais graduellement, son souvenir s'est effacé. Bon, la politique britannique, qu'elle soit travailliste ou conservatrice, et reste toujours influencée par le thatchérisme. Mais sa personnalité a été plus ou moins oubliée, sauf de ceux qui en ont souffert. En particulier, on peut penser aux mineurs et un certain nombre d'industries qui ont complètement disparu. Mais c'est en grande partie, je pense, grâce à son successeur, ce personnage fallot, qui, lui, a réussi à faire accepter un certain nombre de mesures de Thatcher avec une beaucoup plus grande souplesse jusqu'à ce qu'il perde le pouvoir en 1998 contre Tony Blair, qui a continué une politique très influencée par Thatcher, il le disait lui-même. Patrice Debert, la presse en Grande-Bretagne est une presse libre, hein, c'est un grand pays démocratique, la Grande-Bretagne évidemment. Quel était son comportement vis-à-vis de cette affaire nord-irlandaise et vis-à-vis de la dureté de Margaret Thatcher? J'irais double. Bon, les journalistes britanniques, comme les autres, font leur métier, mais rien ne les empêche d'être influencés par l'ambiance, par les attentats qu'ils voyaient, ou bien par le sentiment d'une population britannique qui, quand même, a toujours détesté ou mépriser les Irlandais. Faut pas oublier que l'Irlande a été occupée et colonisée par les Britanniques il y a 850 ans. Ah oui. Patrice Devers, on va se retrouver dans 3 minutes, le temps comme d'habitude dans cette émission d'écouter, de réécouter un titre, un grand titre de cette année-là, hein, 1981, et en l'occurrence, Visage, Fade to Grey. Affaires sensibles sur France Inter aujourd'hui, la mort de Bobby Sands et l'histoire de Lyra avec Patrice Debert, notre invité. Je rappelle que vous êtes ancien correspondant du journal Le Monde. Vous êtes ancien correspondant du journal Le Monde à Londres et en Irlande. Vous étiez correspondant du journal à l'époque des faits. Quel souvenir garde-t-on aujourd'hui en Irlande du Nord de Bobby Sands? Est-ce que c'est un héros pour les catholiques nord-irlandais ou est-ce qu'il représente une époque sur laquelle on veut mettre un cache peut-être pour éviter les mauvais souvenirs? Il suffit de se promener dans les quartiers catholiques. Si on n'a jamais vu la tête de Bobby Sands, on la verra. Avec son grand sourire et ses cheveux longs et sa chemise blanche à col ouvert. Alors les catholiques irlandais, puis après eux, les protestants, sont devenus de grands maîtres des fresques murales. Et le portrait de Bobby Sands, y est toujours mis à l'honneur. Donc on n'a pas oublié, même si la paix est revenue, une paix qui est quand même toujours difficile, mais les attentats ne sont plus que le compte du groupuscule terroriste. Mais les sentiments à l'égard de Giacomo Bissanti sont toujours là. Est-ce que ça veut dire que s'il y avait une étincelle plus grosse qu'une autre, le conflit pourrait reprendre, ou est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la situation est pacifiée? La situation est pacifiée, il reste toujours des problèmes en dessous de la surface, mais même les quelques gros attentats qui ont pu être perpétrés par les ultranationalistes irlandais n'ont pas réussi à faire capoter le processus de paix. Ce sont plutôt les discussions politiques, les désaccords politiques entre les dirigeants catholiques et protestants qui ont rendu le processus de paix extrêmement difficile jusqu'à ce qu'on ait en 2007, un accord entre le plus inattendu qu'on aurait pu penser entre Martin McGuinness, l'ancien chef militaire de l'IRA, et le pasteur Paisley, le chef du parti le plus unioniste, le plus protestant, le plus sectaire, lui qui déclarait que le pape était l'antéchrist. Ces deux hommes se sont rencontrés, ont conclu un mariage de raison tout en se détestant, et depuis, ça tient. Pas merveilleusement, mais ça tient. C'est vrai que les murs entre les différentes communautés n'ont pas disparu, qu'on a même construit de nouveaux murs. C'est vrai que les gens ne se fréquentent pas plus hier qu'aujourd'hui, mais ça tient. Alors, quel est le poids de la quelle est la dimension religieuse, le poids de la dimension religieuse dans ce conflit? Parce qu'on a vu dans le récit que c'était des revendications pour avoir les mêmes droits, qu'il y avait une ségrégation à l'encontre des catholiques, presque une sorte d'apartheid, avec de gros guillemets, hein, mais enfin quand même, à l'irlandaise. Et quelle est la dimension, le poids de la religion dans tout cela? Le poids de la religion, c'est un poids pas seulement confessionnel, c'est un poids national, je dirais presque ethnique, entre les immigrants protestants venus d'Écosse et les catholiques. Beaucoup de gens qui se proclament catholiques ne vont jamais à la messe, par exemple. Mmh. Mais les catholiques se sentent de plus en plus forts parce que ils font plus d'enfants. C'est une espèce de révolution des berceaux à la québécoise, qui fait que vous avez parlé tout à l'heure d'une minorité catholique. Aujourd'hui, vous avez 45% de catholiques pour 48% de protestants. Ah oui. Et on peut penser que dans une quinzaine d'années, ils seront à égalité et que le problème se reposera différemment quand les protestants demanderont des garanties face à une majorité catholique. Et là, on saura tirer les leçons du passé, j'imagine, quand même, parce que c'est ce qu'ont vécu les Irlandais, c'était quand même très dur. Ça a été très dur. J'espère qu'ils tireront les leçons du passé. La prospérité économique a beaucoup aidé parce qu'elle a créé des emplois. Les emplois jusqu'à présent, les emplois industriels, les emplois de fonctionnaires étaient quasiment tous détenus par les protestants. La crise n'avait pas aidé. Et maintenant que les choses se sont améliorées, je parle pas de la crise de ces dernières années, maintenant que les choses se sont améliorées, plus de catholiques ont des emplois et la ségrégation, elle est dans la société, mais elle est moins institutionnalisée, elle est moins violente. Je pense plus qu'on puisse parler d'apartheid, même si quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, en écoutant son accent, en voyant de quel quartier il vient, en lui demandant éventuellement de quelle école il sort, et quel est son prénom, on sait tout de suite s'il est catholique ou protestant. Et on sait si on peut ou si on peut pas, ce qu'on peut dire, c'est toujours là. Oui. Pardonnez-moi de vous bousculer, c'est vraiment la fin de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci Patrice Debert. Je vous en prie. De nous avoir éclairé, d'avoir participé à cette émission d'Affaires Sensibles. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.